الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم. Tout d'abord, je m'excuse de l'interruption de ces dorus suite à un déplacement de ma part qui ne permettait pas de pouvoir poursuivre les occupations. Et kazalik pour le ders de la mercredi dernier, où j'étais présent, mais problème de connexion et technique qui m'empêchait de pouvoir faire le ders, donc j'ai dû l'annuler au dernier moment. Barakallahu fikoum. Avant de commencer, j'aimerais vous demander, à vous, à ceux qui écoutent, de faire dua pour une de nos sœurs qui est décédée aujourd'hui au Yémen. Une sœur, une ancienne qui était à Demedj avec nous. C'est une sœur d'origine algérienne. Sa kunya, c'est Oum Abdillah. Son prénom, c'est Nadia. Il me semble qu'elle est de la ville de Nanterre. Une femme d'une génération des anciens, plus âgée que moi, et elle est parmi les sœurs exemplaires qui ont fait le hijra, qui ont patienté. Elle a 11 enfants. Parmi les 11 enfants, une seule fille. Et elle a accouché de presque tous ses enfants au Yémen naturel. C'est une sœur qui était également touchée d'un mal occulte et qui, malgré cela, patienté, faisait beaucoup d'efforts dans la ligne. Elle enseignait beaucoup aux sœurs. Elle était connue pour son investissement. Et c'était parmi les familles les plus précaires qui soient que j'ai connues au Yémen, parmi les plus pauvres qui soient, sans soutien de leur famille à l'extérieur. Et malgré tout, la sœur, elle a patienté dans une situation assez difficile, mais elle s'est maintenue sur sa religion, sur sa hijra, ce qui en suit. Et elle a été atteinte d'un cancer qui a fini par, Barakallah Azawajal, par lui causer la mort, ce qui est dû aujourd'hui. Et elle a derrière elle des enfants, 11 enfants. Certains sont déjà grands, mais d'autres qui sont petits. Et son mari, Hafidhahullah Ta'ala. Mais on a grand espoir que, lorsqu'on a vu comme eux de khayr, que Allah ne va pas les abandonner. Malgré tout, ça fait mal au cœur, c'est triste. Mais malgré cela, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on vous demande de faire les dua pour elle. Qu'Allah lui rahma. Et également pour qu'il permis et accorde le tawfiq à sa famille qu'elle a laissée derrière elle. Rahimahullah Ta'ala. Donc on va poursuivre, nous sommes toujours dans le chapitre de Mukhalafat al-Kitab, ou plutôt le Hadhar min Tashabbuh min al-Kuffar, la mise en garde du fait de ressembler au Kuffar. La Khuzeliyum, Mukhalafatuhum fi al-Ibadat, le fait de s'opposer à eux, de les contredire dans l'adoration, car les Kuffar ont des adorations, et certaines qui ressemblent aux nôtres, et malgré cela, même dans l'adoration, même en voulant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, un instant. Même en voulant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas leur ressembler. Même si la niyyah est bonne, si cela amène à une ressemblance avec eux, cela ne nous est pas permis. L'interdiction de faire la salat lorsque le soleil se lève et lorsque celui-ci se couche. يقول عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أكسر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بين حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهود محضرة محضورة حتى يستقيل الذل بالرمح أو بالرمح ثم أكسر عن الصلاة فإن حينئذ تزجر جهنم أو تزجر جهنم فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أكسر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار رواه مسلم. Donc dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fais la salat du subh, puis ne fais pas la salat derrière. C'est-à-dire, abstiens-toi de toute salat par la suite, jusqu'à ce que le soleil se lève. Car le soleil, au moment où il se lève, il apparaît à quel moment? Au moment où apparaissent les deux cornes de Shaitan, et c'est à ce moment-là que les koufars se prosternent pour Shaitan. Puis Puis, après cela, tu peux faire la salade, car celle-ci est, se produit alors que les anges sont présents. Et cela jusqu'à l'heure du zénith. C'est-à-dire au moment où le soleil est au plus haut. Et ensuite, à ce moment-là, abstiens-toi de faire la salade. Car à ce moment-là, c'est le moment où la chaleur de la Jahannam, de l'enfer, est le plus ardent. Puis, il dit Akbala al-Fay. Le Fay, je ne sais pas comment traduire, mais c'est le moment du Dhor, au moment où cela apparaît. Alors fais la salade. Car à ce moment-là, la salade a des témoins qui sont présents, qui sont les Malaïka. Jusqu'à ce que vienne l'heure du Asr. Puis, après la salade du Asr, abstiens-toi de la salade, jusqu'à ce que se couche le soleil. Car au moment où le soleil se couche, il se couche entre les deux cornes de Shaitan, et à ce moment-là, les kuffars se prosternent pour lui. Donc là, on y voit les temps interdits des salawat. Ça veut dire que la salat, aussi aimée soit-elle par Allah Azawajal, elle a des règles, elle a des temps où elle est obligatoire, des temps où elle est recommandée et des temps où elle est interdite. Ça veut dire que Allah Azawajal, on l'adore en faisant et également en s'abstenant. En s'abstenant. Et entre autres, on a ici les heures où la salat, elle est interdite par différentes causes et entre autres, celle où c'est une heure où les kuffars se mettent à adorer autre que Allah Azawajal. Donc le premier temps, c'est après avoir fait la salat du Fajr, juste à ce qu'on appelle le shuruq. Le shuruq, c'est le moment où le soleil se lève. Maintenant, ce temps-là commence pas dès que le soleil se lève, quand le disque solaire apparaît, mais une fois qu'il est élevé à une certaine distance dans le ciel. Il faut compter à peu près 10 minutes. Après qu'il soit apparu, compter 10 minutes qu'il s'élève un peu. Et à ce moment-là, on peut refaire salat. Mais entre le moment où tu as fait le Fajr jusqu'au moment où le soleil doit être un peu élevé, la salat, à ce moment-là, elle est interdite. Elle est interdite car c'est le moment où les koufars se prosternent car le soleil se lève entre les cordes de Shaitan. C'est-à-dire que Shaitan, à ce moment-là, on ne pourra pas expliquer le comment, d'accord, mais il apparaît de sorte à ce que le soleil puisse apparaître entre ces deux cornes. Et le comment, ne cherche pas à le comprendre. Le hadith, il est authentique. Puis vient, par la suite, le temps pour faire la salat jusqu'au zénith. Là, c'est le temps de la salat du Doha. Et là, le Doha, c'est une salade qui est recommandée, que l'on peut faire autant de fois qu'on veut. On peut faire 2 rakat, 4 rakat, 5 rakat, 6, jusqu'à 100. C'est un nombre qui n'est pas défini. Et on doit s'arrêter avant le zénith, au moment où le soleil arrive au plus haut. Ce moment-là, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le moment où le feu de l'enfer est le plus ardent. Donc à ce moment-là, on ne fait pas la salat. Puis vient le Dhuhr. Et une fois que le Dhuhr il vient, à ce moment-là, on fait la salat qui est obligatoire, puis c'est les nawafil qui y sont rattachés. Et jusqu'au asr, ça veut dire qu'entre le Dhuhr et le asr, on peut faire des salawat. C'est une chose qui est permise. Ensuite, le asr, qui est une salat obligatoire, on la fait également. Puis, du asr jusqu'au coucher du soleil, la salat également devient interdite. Et plus on se rapproche de l'heure de la salat qui arrive, plus l'interdiction elle est sévère. C'est-à-dire que là, on ne fait plus salat jusqu'au du maghrib. Une fois qu'on a fait le asr, les salats nafila ne sont pas permises. Et encore, de façon encore plus sévère, juste au moment, on va dire 10 minutes, 15 minutes avant le maghrib, totalement. Car ce moment-là également, c'est le moment où le soleil se couche, et il se couche comme il s'est levé, entre les deux cornes de Shaitan. C'est-à-dire, Shaitan se met d'une certaine posture qui fasse que le soleil passe comme s'il descendait entre ces deux cornes. Et c'est le moment où les koufars se prosternent pour lui. Maintenant, des gens vont dire, on n'a pas vu les koufars le faire. Toi, tu ne l'as pas vu, mais le Nabi, ça s'allume, t'informe qu'ils le font. Qui sont-ils? À quel moment? Allah a'lam. En tout cas, ils le font. Ils le font. Taïm. Précision. Ces temps de salawat sont pour l'interdiction, pour ce qu'on appelle al-nafila al-mutlaq. C'est pour la surrogatoire qui est faite sans condition, c'est-à-dire qui n'a pas de raison d'être. Par contre, il y a des salawat qui, elles, peuvent être faites, on appelle zat sabab, celle qui est une cause. Par exemple, tu es quelqu'un qui est habitué à faire deux rakat après l'ozo, après les ablutions, tu peux faire deux rakat, même dans les heures interdites. Car c'est une salade qui a une cause d'être faite. Ce n'est pas une salade nafila absolue, sans raison. Également, quand tu veux rentrer au masjid, tu as les ablutions, tu veux t'asseoir. Par exemple, tu rentres dans le masjid après la salade du Fajr, avant le shuruq. Tu peux faire deux rakats et t'asseoir, car là-bas, c'est le même obligatoire. On ne peut pas s'asseoir dans le masjid, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man dakhala al-masjid fa yusalli rakatayn comme an yajlis. Celui qui veut, qui rentre dans la mosquée, qui fasse deux rakats avant de s'asseoir. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a des ablutions. Celui qui n'a pas des ablutions, il s'assoit directement. Donc, si jamais tu fais cela entre le Fajr et le Shuruq, tu as le droit. Tu fais cela à l'heure du Zénith, tu as le droit. Tu fais cela entre le Asr et le Maghreb, tu as le droit également. Il y a aussi, tu veux faire Salat Istikhara. Par exemple, tu as une cause, tu as un besoin urgent pour une chose qui s'expose à toi, un projet quelconque, et tu as besoin de faire Istikhara de façon assez précipitée. À ce moment-là, tu as le droit de le faire. Et aussi, Salat Janaza. La Janaza, tu peux la faire à n'importe quel moment. Bien sûr, Salat Janaza, c'est une salade qui est particulière car il n'y a pas de recours, il n'y a pas de sujoud. Mais cette salade est obligatoire. Donc, ce qui est interdit là, c'est la salade qui est nafila al-mutlaq, c'est-à-dire celle qui est surrogatoire, qui n'a pas de raison d'être en soi. Mais celle qui a une raison d'être, qui a besoin d'être, tu peux la faire quand même. Donc, vous voyez que là, même la salade, qui est l'un des actes préférés pour Allah Azzawajal, il y a des moments, justement, ce que Allah préfère, c'est de ne pas la faire. Il nous obligera de ne pas la faire. Celui qui l'a fait à ce moment-là, il sera sous une menace. Il a été rapporté que chez certains salafs, un homme faisait des nawafil, il faisait des salat nafila à un moment interdit. Et que c'est un sahabi, il me semble qu'il lui a parlé, cet homme-là, ça doit être un tabiri, un sahabi lui a dit que la salat était interdite. Cet homme lui a répondu, est-ce que Allah Azzawajal va me châtier pour faire la salat? Avec comme une forme un peu moqueuse. On dit, attends, je fais salat, tu m'attends de faire salat. Il dit, Allah ne va pas te punir pour faire salat, il va te punir pour avoir contredit l'ordre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire salat à cette heure-là. Non. On comprend, fawaid al-hadith. Awalan an-nahi an nawafil as-salat al-mutlaqa fi thalath awqat. Donc l'interdiction de faire la salat nafila mutlaqa, c'est-à-dire la surrogatoire qui n'a pas de raison, à trois moments. Donc, quels sont ces trois moments? Après le sobh, jusqu'à le chourouk. Le chourouk, c'est le moment du lever du soleil. Et souvent dans les calendriers, vous allez l'avoir le temps du chourouk, exprès pour cela. Troisième moment, au moment du zénith, lorsque le soleil se fixe dans le ciel. Il commence, avant qu'il ne commence à s'incliner vers le couchant. Troisième temps, entre le asr et le maghreb. Ces trois temps-là, la salat nafila mutlaqa est interdite. ثانيا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع. Que la salat qui est interdite après le subh, le fajr, elle, l'interdiction ne s'arrête pas dès que le soleil il apparaît, comme on l'expliquait, mais l'interdiction s'arrête quand le soleil est légèrement élevé dans le ciel. Comme je l'expliquais, c'est un laps de temps de 10 minutes à peu près, après son apparition. ثالثا أن الملائكة تحضر الصلاة وتشهدها وتكتب أجر أو تكتب أجرها أو تكتب أجرها وذلك أدعى لقبولها والحصول لحصول وحصول إلى الرحمة. On y voit que les anges assistent à la salat. Lorsqu'on fait salat, les anges sont présents et ils écrivent la récompense. Et à savoir que les anges se relaient pour ceux qui écrivent la récompense entre la salat du Fajr et celle du Asr. Il dit, رابعا تحريم التشبه بالكفار وتقليدهم في عاداتهم وعباداتهم وتقاليدهم. Qu'il est interdit de ressembler aux kuffars et de chercher d'imiter dans leurs adorations, dans leurs coutumes et dans leurs mœurs, et dans les choses qui leur sont propres, bien sûr. Donc là, on y voit que même si quelqu'un a une bonne intention de faire une adoration, cette adoration ressemble à ce que les mouchrikoun font, et bien il ne peut pas la faire. Et il va adorer Allah Azzawajal justement en s'abstenant de faire cela. C'est une adoration. Le fait de ne pas faire cela est en soi une adoration. Donc la récompense n'est pas perdue. Et c'est une chose qui est très importante, car souvent les gens disent, mon intention c'est de plaire à Allah, et on y voit que les koufars font des adorations, et que nos adorations à nous doivent se distinguer des leurs. Que nos coutumes à nous doivent se distinguer des leurs. Est-ce qu'ils s'enfuient? Non. Donc maintenant, on doit contredire les mouchrikoun. Comment? En faisant la salat du Asr de façon régulière. En faisant la salat du Asr en particulier de façon régulière. Yaqul fil hadith as-sadis wa sittin ba'd al-mi'a. 166e hadith qui est le 6e de ce sens là. Yaqul an-nabi Basra al-Ghifari radiyallahu anhu قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر باليوم الخامس فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى تطلع أو تطلع أو تطلع الشاهد والشاهد النجم رواه مسلم. Donc il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a présidé la salat du Asr dans un lieu qui s'appelle Al-Mukhammas. C'est un lieu, c'est une route qu'il y avait dans leur région. Est-ce que c'était le Médina ou à. Non, enfin, ça devait être le Médina. En tout cas, c'était après la Hijra, apparemment. Tayyib. Il a dit que cette salat a été à la base imposée également à ceux qui étaient avant nous, mais ils l'ont délaissé. Cette salat du Asr, les gens du livre d'avant nous, également, cette salat leur avait été prescrite, mais ils l'ont délaissée. Donc il a dit, celui qui la préserve, ça veut dire qui continue à la faire en étant régulier, il aura deux fois la récompense. Et il dit qu'il n'y a aucune salat permise après la salat du Asr, jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Là, il dit, « Hatta yatlu'a al-shahid », jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Dans le Coran, il a dit Hafizou ala salati, awa salawati, wa salati l'wusta. C'est-à-dire, restez régulier et préservez la salat, toutes les salawat, et en particulier celle du wusta. Celle du wusta, c'est le asr. D'accord ? C'est celle du asr. Et celle-ci en particulier, car, comme l'a expliqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la délaisser, à la base, il n'est pas permis de délaisser n'importe quelle salat. Mais certaines ont des particularités, entre autres celle-ci. D'accord ? Entre autres celle-ci, car c'est une salat que les gens du livre, avant nous, devaient faire et qui n'ont pas fait. Donc celui qui la délaisse va leur ressembler, évidemment. Et également, dans un autre hadith, qui n'est pas dans le kitab là, mais quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui délaisse la salat du Asr, d'accord, habita amalou, que celui qui délaisse la salat du Asr, ses œuvres sont annulées. Alors que dire de celui qui ne fait pas salat du tout ? Et là, on a également un avertissement pour les gens qui regroupaient salawat le soir pour le travail, pour je ne sais quelle raison, que cette menace plane sur eux. Car les seuls moments où la salat est permise d'être regroupée et faite hors de son temps, c'est lors du voyage, lors de la maladie, et dans certains cas exceptionnels de nécessité, qui ne sont pas des choses qui se répètent comme le font les gens d'accoutumer pour des raisons qui sont mondaines. Il y a des cas où on peut faire la salat hors de son temps, mais c'est des cas particuliers. D'accord ? Des cas particuliers. Donc celui qui sort la salat de son temps, sa salat, elle est invalide. Car parmi les conditions de la salat, qu'elle soit faite en son temps. Inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban maqouta, que la salat était prescrite sur les croyants à une heure précise. Donc cette salat-là, du Asr en particulier, c'est également la salat, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la salat lors de laquelle les anges se relaient pour monter les œuvres que les serviteurs ont fait auprès d'Allah Azzawajal, entre le Fajr et le Asr. Ce sont les salats qui sont très importantes. Donc cette salat-là doit être préservée absolument, et celui qui la délaisse aura ressemblé aux gens du livre. Et ça, c'est valable, bien sûr, c'est règle-là pour les hommes comme pour les femmes. Que la salat soit faite au masjid en groupe pour les hommes ou à la maison en individuel pour les femmes, c'est le même jugement. C'est le même jugement. يقول فوائد الحديث عظم شأن صلاة العصر حيث إنها عرضت على الأمم السابقة وأمروا بالمحافظة عليها. Ça montre la grandeur et l'importance de cette salat qui est celle du Asr, du fait qu'elle a été également prescrite aux communautés précédentes et qui devaient la faire. Et devaient la faire. C'est parmi les choses sur lesquelles on était en concordance, car des choses que les gens du livre faisaient auparavant, que l'on fait nous-mêmes aujourd'hui encore. Et des choses qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas faites, que nous, on fait aujourd'hui. Et d'autres choses qu'ils ont faites, qui ont été abrogées par la suite, par d'autres règles pour nous. Et ça montre le mérite de cette communauté qui, elle, justement, fait cette salat qui a été délaissée par les communautés précédentes. Et celui qui l'accomplit, qui l'a fait de façon régulière, il a deux fois la récompense. Deux fois la récompense de cette salat. رابعا تحريم النوافل المطلقة بعد صلاة العصر حتى يدخل الليل وتغرب الشمس بغروبها يظهر الشاهد. Et qu'il est interdit de faire des salawat surrogatoires sans raison après le asr jusqu'à ce que vienne la nuit, c'est-à-dire le maghrib, jusqu'à ce qu'apparaisse le maghrib. Là, comme on l'a dit dans le hadith précédent, il n'est pas permis de faire des salawat surrogatoires à ce moment-là. خامساً لا يفهم من قوله حتى يظهر الشاهد تأخير صلاة المغرب وإنما مراده حتى تغرب الشمس بغيابها يظهر نور النجم. Et ça veut dire dans le hadith qu'il ne faut pas penser, qu'il ne faut pas imaginer que la salat, on repousse le maghrib jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Car même s'il n'y a pas d'étoiles qui apparaissent, le maghrib, on le fait quand même en son temps. Parce que cela veut dire jusqu'à ce que la lumière du jour, du soleil, soit, on va dire que le soleil est disparu en fait. Que le soleil en lui-même est finalement disparu derrière l'horizon. Et cette disparition de lueur du soleil permet de pouvoir laisser entrevoir la lueur des étoiles. Et des fois, il n'y a pas d'étoiles, bien sûr, mais c'est pour dire que c'est au moment où le soleil se couche. Jusqu'à ce que le soleil se couche, les salats surrogatoires ne sont pas permises. Barakallahu fikoum. Et là, on va finir par un hadith, troisième hadith. يقول مخالفتهم في الصلاة بالخفاف والنعال. Donc à ce moment-là, c'est le fait de s'opposer, c'est-à-dire de contredire les gens du livre en faisant la salat dans les pantoufles de cuir ou dans les chaussures. Donc dans le hadith, Al-Sabir wa Sittin Bard al-Mia, 167e hadith, qui est le 7e de ce chapitre, An-Shaddad ibn Aws. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. Il a dit, dans le sens, opposez-vous, contredisez les Yahoud, car ils ne font pas la salat dans leurs sandales, dans leurs chaussures, ni dans leurs pantoufles. Rapporté par Abu Daoud. Et les khifaf, vous connaissez le khouf, c'est comme cette forme de pantoufle en cuir que l'on met. Et cela également prend le jument des chaussettes, ou des chaussures montantes, et les ni'al, c'est tout ce qui est sandales ou chaussures basses en dessous des chevilles. Donc là, on y voit que les Yahoud ne le font pas. Et nous, il nous est permis, voire même il est sunna, car à la base, il nous est demandé de faire tout ce qui s'oppose à ce que eux font. Bien sûr, avec un texte, bien évidemment. Alors si demain, un Yahoud s'assoit, t'es pas obligé de te lever. D'accord ? Ça, on parle dans les choses de l'adoration ou autres, les choses dans lesquelles faut comprendre les textes, bien sûr, dans leur contexte. C'est pas parce qu'il se met à manger que tu dis arrête de manger ce que lui mange, par exemple. Vous voyez, si tu as faim et qu'il mange au même moment, ben, tu manges, voilà, c'est pas un problème ça. Mais là, c'est dans des faits précis, dans des choses particulières, principalement liées aux adorations, aux coutumes et aux mœurs qui sont liées à leur religion. D'accord ? Après, il y a des choses qui sont communes à tous les êtres humains, dans lesquelles il n'y a pas de problème de si on fait pareil les uns les autres. Donc, eux ont pour coutume d'enlever leurs chaussettes, d'enlever leurs chaussures lorsqu'ils font leur salade. Donc, nous, ils ont demandé de quoi ? De garder les nôtres ou nos khifaf pour faire la salade. Et quant au verset « Inni ana rabbuk fakhla'na alayk » إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسْ تُوَى. Dans surat Taha, lorsque Allah dit à Moussa, quand il l'a appelé, lorsqu'il lui a parlé, après que Moussa ait vu un feu, il lui a dit, enlève tes chaussures, car tu es dans le sanctuaire, la vallée qui est sacrée. Et des gens prennent ce verset-là pour dire qu'on se doit, d'enlever nos chaussures lorsqu'on fait une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que ce verset-là était dans leur shara à eux, dans leur législation à eux. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des choses qu'eux faisaient, qui ont été abrogées et qui ont d'autres règles qui nous sont propres à nous. Et entre autres, la salade dans les chaussures. Donc ce verset n'est pas un argument pour dire qu'il faut enlever les chaussures pour la salade. Non. Ça, c'est une chose qui leur était propre à eux, pas à nous. Nous, on a des adillah, des ahadiths et des faits du Nabi des sahaba, que la salade nous est recommandée d'être faite dans les chaussures. Maintenant, il y a un contexte à prendre. C'est que déjà, en premier lieu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à emblème de faire la salade dans les chaussures pour qui les porte et qui a vérifié qu'il n'y a pas de najasa ou de saleté en dessous, bien évidemment. Ce n'est pas dans l'absolu. Aujourd'hui, quand tu vas aller en France dans un masjid, qui est une moquette, n'y va pas avec tes chaussures. Tu vas te faire incendier par les gens. Les gens ne comprennent pas ce genre de choses. D'accord? Ils vont, tu en as même peut-être qui vont dire que tu as un kafir pour avoir mis tes chaussures sur la moquette du masjid. C'est une réalité. Les gens sont tellement ignorants. Donc ne fais pas de fitna. D'accord? Il y a des moquettes ou quoi, donc tu ne ramènes pas tes chaussures dehors dans la moquette en soi. Mais maintenant, tu es dans un autre lieu, ou dans un masjid où cela est permis, par exemple, nous, à Dembedj, on faisait salat dans nos claquettes. Et il n'y avait aucun problème. On nettoyait à chaque fois, on vérifiait, et la mosquée n'était pas plus endommagée qu'une autre. Ce qu'il faut, c'est entretenir la mosquée, la nettoyer, passer l'aspirateur. On avait un tour de ménage par groupe de pays tous les jeudis. Par exemple, le mercredi soir, il y avait une personne qui annonçait, disait, demain, le balayage général sur les Anglais, les Français, les Américains. Demain, le balayage sur les gens de Sanaa et de telle et telle et telle ville. Demain, le balayage est sur les gens de Hadramaut. Il y avait des on tournait comme ça, on était organisé. Et on avait un balayeur particulier qui le faisait tous les jours. Donc la mosquée, elle était en soi propre. Après, c'est une mosquée dans laquelle les gens y vivaient. À Demedj, les gens vivaient dans la mosquée. Les gens dormaient dans la mosquée. Donc c'est sûr, ce sera pas comme une mosquée qu'il y a ici en France, que tu fermes après chaque salat, elle sera toujours propre, nickel, elle sent bon. Là-bas, c'était un lieu de vie. Un lieu de vie de milliers de personnes. Donc il est certain que ça sera pas pareil. Et malgré cela, cette sunna a été appliquée. Au début, il n'y avait même pas de trait sur la moquette. On faisait on a, comment dirais-je, on alignait les rangs à vue d'œil. À vue d'œil, il n'y avait pas de trait par terre, comme dans la sunna. Et quand les rangs étaient bien alignés, là, l'imam faisait la salat. Et les gens avaient leurs claquettes. Celui qui voulait les garder, les gardait. Celui qui voulait les enlever, les enlevait. Et aucun blâme. Et il y avait des arabes avec nous. Et comme ils connaissaient la sunna et le rythme, ils étaient habitués. Bien sûr, ça ne le faisait pas partout. Et pareil, à Mecca, dans le Masjid al-Haram, quand tu vas là-bas, tu vas faire le tawaf ou autre, tu peux garder tes chaussures. T'as les gens, des fois, tu vas être dans le tawaf, des gens, ils vont dire, ouais, ils vont te dire, enlève tes chaussures ou quoi. Non. Tu peux garder tes chaussures même dans le haram. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Tu fais le tawaf dans tes claquettes. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de chaussures au-dessus des chevilles. D'accord? Si jamais, ou pour le tawaf. Après, quand tu es en ihram, ouais, faut pas de chaussures en soi. Faut pas qu'il y ait des choses qui soient cousues sur comment dirais-je, sur la forme humaine. Mais tu peux avoir des claquettes. Tu peux avoir des claquettes, par exemple. Donc, il n'y a aucun problème. Des gens qui vous blâment pour cela sont des gens qui sont ignorants. Donc celui qui va laisser claquer pour faire le tawaf alors qu'il est muhrim, il a le droit. Même dans le Masjid al-Haram. Et pareil, dans le Masjid al-Haram, par terre, c'est du marbre. C'est pas de la moquette. Et c'est tout le temps nettoyé. Même vous allez voir les gardiens, la police, tout ça, même l'imam, tous, ils ont leurs chaussures. Ils ont leurs chaussures. Donc ne prêtez pas attention aux ignorants qui vous parlent, qui ne connaissent pas. Si vous avez vos claquettes, vous voulez les garder, gardez-les. Et d'ailleurs, c'est même mieux, car ça amène à appliquer ce hadith, qui est de contredire les Yahoud en gardant nos claquettes. Et même à la maison, tu mets tes chaussons, ou tes chaussures, si elles sont propres et tu as envie de les mettre chez toi pour la salade, tu peux les mettre. D'accord? C'est une chose qui est légiférée. Sachez-le. Et l'auteur cite même qu'il n'y a aucune divergence entre les madhhab que la salade dans les chaussures et claquettes est permise. Maintenant, comme l'expliquer, il faut voir le contexte et pas faire de fitna pour rien. Les gens sont ignorants, ignorent ces choses. Donc ne va pas avec tes chaussures dans une mosquée ici, en France ou je ne sais où, car cela pourrait te faire avoir des problèmes. D'accord? On n'applique pas une sunna quand cela amène un plus grand mal derrière, évidemment. Voyez, pour prendre les paroles du hadith. Donc on y voit qu'il est légiféré de contredire les yahoud. Et qu'il est légiféré de faire la salat dans les ni'al, dans les chaussures ou autres, après les avoir nettoyées des impuretés ou des saletés. C'est une chose qui est importante. Qu'il faut que tes ni'al soient propres en dessous. Thalithan istirbab salat bil khuffain ba'd al mas' alayhima mukhalafat al yahoud. Et qu'il est recommandé de faire la salat dans les khuff, dans les chaussettes ou autres, après qu'on ait essuyé dessus. Et le mas', on en a déjà parlé, le fait d'essuyer sur les chaussettes. D'accord? Donc, qu'il est légiféré de faire la salat dedans. Et cela également s'oppose à ce que font les yahoud. Voilà. Azaladir Khazna al-Yom. Et comme je l'ai expliqué au début du Ders, n'oubliez pas votre sœur Omar Abdillah dans vos doigts. Qu'elle lui accorde sa rahma. et qu'il accorde la fermeté et le sabre à sa famille derrière elle. Hamidakumullah, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.